mon cœur une fois, c'est mort, je suis désabonné. Et les hommes avec son boule, elle n'hésite pas à le donner. Des gouttes, des gros lapins pour tous les jours. J'ai vu qu'une seule erreur, faire un gosse à une meuf qui voulait seulement jouer. Je suis un bonhomme jusqu'au bout, je vais assumer. Mais je suis un homme, ne joue pas avec ma fierté. J'arrête toutes les histoires des cartes et des genoux. On est plus ensemble, mais respecte-moi et dis peu qu'on a, tu l'as pas trouvé. J'ai fait du sale pendant des années. Retour de flamme ne m'a pas trouvé. T'avais tout ça pour que ça me laisse le mens si je dis que ça m'a pas touché. Mais la roue tourne, même si c'est moi qui m'en en premier. Je sais que la roue tourne, c'est toi qui auras mal en dernier. Je te le promets. J'ai suivi mon cœur une fois, c'est moi qui suis désabonné. Elle les hommes avec son boule, elle n'hésite pas à le donner. Des gouttes, des gros lapins pour tous mes jours. J'ai vu qu'une seule erreur, faire un gosse à une meuf qui voulait seulement jouer. Je suis un bonhomme jusqu'au bout, je vais assumer. Mais je suis un homme, ne joue pas avec ma fierté. J'arrête toutes les histoires de cartes et des genoux. On n'est plus ensemble, mais respecte-moi et dis peu qu'on a, tu l'as pas trouvé. J'ai fait du sale pendant des années. Retour de flamme ne m'a pas loupé. T'avais tout ça pour que ça me blesse. Le mensonge, je dis que ça m'a pas touché. Mais la